Moi, ce que je soulève là-dedans, c'est la naïveté qu'on démontre en pensant que quelqu'un qui va enlever son voile ou quelqu'un qui va enlever la kippa ou n'importe quel symbole religieux va devenir automatiquement apolitique et automatiquement laïque. Alors qu'au fond, quelqu'un qui ne porte pas de symbole religieux peut être dans une secte religieuse et passer son message dans un cours d'éthique et de culture religieuse, n'importe quand, on pourra pas la contrôler. C'est vrai. Puis ça peut être quelqu'un de encore plus biaisé que si quelqu'un porte un crucifix d'à peu près 4 pouces de long. C'est vrai. C'est donc, il y a une forme de naïveté là-dedans, puis une forme d'angélisme. Ben, c'est-à-dire que... Et de confort. Un doux confort. Le ministre l'a souvent déclaré, ça règle pas tous les problèmes. Ouais, mais est-ce que ça règle des vrais problèmes? C'est pas une solution, ça règle un problème. Est-ce que c'est le vrai problème? Ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, M. Morin. Personnellement, moi, je pense que le vrai problème dans notre société, c'est notre incapacité à bien intégrer les nouveaux venus. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais vous avez un gouvernement qui continue... C'est ça, le vrai problème. Ouais, mais ce même gouvernement-là, et ça, personne n'en parle, mais à un moment donné, c'est parce que ça vira toujours autour du voile, l'islam, le voile, dans le débat actuel... Mais on continue d'accueillir au Québec 25% de nos immigrants viennent de l'Égypte, du Maroc, de l'Algérie puis du Liban. On continue d'accueillir au Québec plus de 50 000 nouveaux venus par année, ce qui est exorbitant par rapport à la population de 7 millions d'habitants au Québec. Bah, si on veut le débat, qu'on l'aille le débat. On accueille aux États-Unis, toute proportion gardée. Ça, c'est un problème. On se penche pas là-dessus. L'autre problème, c'est que il y a de plus en plus de musulmans qui constitue ce qu'on retrouve dans cette cohorte. 25%. Ça aussi, c'est un problème. Mais moi, je sais bien, je vais me faire traiter d'islamophobe, là. Je me fais déjà traiter d'islamophobe, mais ça me dérange pas, parce que je cible un vrai problème. Êtes-vous islamophobe? Ce sont les musulmans, particulièrement, qui sont les plus difficilement intégrables à notre société. Reconnaissons-le. C'est ça le problème. C'est ça pourquoi l'Europe a des problèmes majeurs, extrêmement graves actuellement, la plupart des pays. Parce qu'on a refusé de reconnaître ce problème. Bon, est-ce que le PQ fait fausse route en maintenant 25% l'immigration musulmane? Oui, je pense qu'il fait fausse route parce qu'il est obsédé par le critère linguistique. Hier, à Radio-Canada... Ouais, effectivement. C'est le langage que j'ai utilisé dans ma chronique la semaine passée. Obsédé par le fait français. On veut des parlants français tout de suite. Oui. Régis Labeaume avait quand même un bon point. Puis, en tout cas, cet après-midi, on le reçoit à Radio X. Là, je vais poser la question là-dessus. Hier, à Radio-Canada, en entrevue, il a mentionné que lui, il privilégierait davantage l'immigration de l'Amérique latine. Oui, c'est étonnant que vous me disiez ça, parce que c'est ce que je pense aussi. Il vaut mieux augmenter le quota d'immigrants en provenance d'Amérique latine. Il y a une affinité culturelle. On est dans le même univers civilisationnel. Vous comprenez? Tout à fait. Dans le même environnement civilisationnel, c'est-à-dire, disons-le clairement, la civilisation occidentale. De culture judéo-chrétienne, gréco-romaine. On est dans le même univers. Alors donc, évidemment, d'ailleurs, on le constate constamment, on le constate de façon régulière. Les latinos au Québec s'intègrent pas mal. Ah, ouais. Mais le PQ va boguer, parce que là, c'est l'anti-français. Là. Il va y avoir une vague d'espagnols qui va rentrer. Pour l'essentiel des espagnols, ils parlent espagnol. C'est une langue très proche du français, qui fait partie de la même famille linguistique que le français. Et les latinos, ça aussi, c'est reconnu au Québec. Tout à fait. Ils s'adaptent très bien et ils sont capables de parler très rapidement le français. Tout à fait. Puis moi, j'irais même plus loin que ça. Je suis d'accord avec vous là-dessus, M. Brassard. Je pousserais même l'expérience plus loin pour faire vivre aux petits Québécois des maillages ou des alliances ou comment du parrainage. J'aimerais ça que les familles québécoises parrainent une famille espagnole. Je ne sais pas si vous me suivez, pour faciliter l'échange culturel, puis faciliter l'apprentissage de l'espagnol. Oui, absolument. Profitons de cette première génération-là pour dire, on leur apprend le français. Tu sais, puis je ne veux pas être naïf et être angélique plus qu'il ne faut. Je sais très bien que ça va prendre plus que ça pour qu'ils s'intègrent. Mais Profitons également de leur background. Moi, j'aimerais ça que mes petits gars soient des amis avec les Mexicains ou des Colombiens qui parlent espagnol au bout du compte, au bout de 4-5 ans. Ça serait une richesse, je pense, qu'on devrait envisager. En fait, ça devrait absolument être envisagé. Parce que, écoutez, après l'anglais, c'est clair que la langue... C'est l'espagnol. Ben oui, c'est évident. Ça tombe sous le sens. Exact. Maintenant, je vais vous amener sur autre chose, une déclaration qui a été faite ce matin. Puis, je pense, Jean-Claude, qu'on va lui faire entendre à M. Brassard. C'est le ministre Drainville qui dit que malgré cette charte-là et tout, ils vont continuer de servir des repas halal aux prisonniers, alors que il y aura pas d'halal pour les fonctionnaires. Il y aura pas de halal pour les aînés. Enfin, vous savez, là, regarde, il y aura pas d'halal à nulle part, sauf pour ceux qui ont commis des crimes. Pour les criminels en prison, ah, ça, par exemple, tu vas pouvoir te convertir puis manger mieux, ça va coûter plus cher à la société. Regarde, c'est quand même spécial, ça dure une trentaine de secondes, on vous le fait entendre. Bonne question de mon collègue Moret qui me souffle ça à l'oreille. Dans les prisons, il va-tu encore avoir des menus halal? Bon, alors, il y a des menus halal présentement, puis il va continuer à y en avoir. Pardon? Ben oui. Il va y avoir des menus halal en prison encore? Il va continuer à y en avoir parce dans que... Dans un Québec laïque? Êtes-vous sérieux, M. Drainville? Regardez... La protectrice du citoyen, elle a été saisie de ça, puis elle a édicté des règles. Alors, avant de donner un menu halal à quelqu'un, il doit faire la démonstration qu'il est croyant, il doit faire la preuve, il doit apporter des c'est preuves tout qu'il un est effectivement. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a beaucoup de gens qui se convertissent là une fois rendus en ouais, prison. Mais attention là, c'est réglementé puis c'est contrôlé. C'est toujours des vraies révélations. C'est encadré. Mmh. Okay. C'est encadré. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que j'en dis? Ben, c'est si les prisons peuvent dispenser des repas halal, pourquoi pas les garderies, pourquoi pas les écoles, pourquoi pas, ça finira plus. Tant qu'à y être au diable la charte, on revient au statu quo, on fait le statu quo, on continue comme on est parti là. En France, là, ils ont laissé aller comme ça les choses et c'est devenu généralisé partout, le halal. Et c'est comme ça partout en Europe. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'Europe parce que c'est peut-être ce qu'on pourrait devenir si on ne fait pas attention, si on n'est pas vigilant. Vous comprenez? Absolument. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez en terminant? Parce qu'il y a beaucoup de points. Ça fait quand même 3 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Il y a eu un congrès en fin de semaine. Bon, on va y parler dans quelques minutes. Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec.